Les deux hommes, ils se trouvent à se quereller pour une femme. Pourquoi ? Il y a un qui dit « Je veux épouser la femme de Arnaud Osman, qui est albanais. » Uso Radoica, qui est serbe. L'autre, ils disent « Mais t'es malade, tu sais qui c'est ? C'est quelqu'un qui a accompli des actes héroïques et toi, t'as même pas accompli un seul acte misérable. Tu vas te faire décapiter. Soit je prends elle comme femme, soit je me marie à jamais. Et je vous donne la parole, la BSA. C'est la parole donnée chez nous. C'est sacré. Quelque chose de sacré, la BSA. Soit je me marie avec elle et qu'au printemps, j'irai la chercher et je prendrai à la maison. » Et eux, les autres se sont dit, mais il est fou. Allez, va dehors, parce que le fou reste avec le fou. Nous, on n'a pas besoin d'avoir un fou dans la maison. Et il part. En printemps, il prend son cheval et il va. Il trouve la femme, prend de l'eau dans un puits, une source. Qui est cette femme? C'est la femme d'Arnaud. Il la prend. Et il la prend sur son cheval. Et il va à la montagne très haut. Et il lance un appel. Dis, ne cherche pas ta femme, parce que ta femme, elle est avec moi. Mais je te donne ma parole donnée, la baisse, que je ne la toucherai pas. Je la garderai comme ma sœur. Mais laisse-moi juste 2 jours me préparer. Et je te propose dimanche, le jour saint, se combattre à la montagne, tel lieu. Et il dit, d'accord. Il attend, il se retrouve le dimanche, il se bat au sang, tellement de sang qu'il ne voyait pas. Donc pour essayer de voir, ils se sont dit, on va faire une pause, on va essuyer le sang de nos yeux, pour qu'on puisse se voir, parce qu'on n'arrive pas à se voir. Très bien, Arnaud lui dit, dis-moi Husso, est-ce que tu as laissé quelqu'un dans la maison, des familles, des enfants, une maison? Il dit, je vais te répondre franchement, j'ai laissé personne, j'ai pas de frère ni de mère, j'ai rien. Mais je sais qu'on m'a dit que j'avais une mère riche et qu'au temps de Mouy, le roi avait détruit tout, Zahariya c'est une ville, tout. Et il m'a trouvé un peu comme dans les films de Tarkovsky, quand il arrive dans une église, les Tartares, ils embrouillent toute l'église, et il y a un cheval qui arrive comme ça. Et dans ce cheval, Mouy est entré, le roi, il a vu cet enfant petit, et il a vu qu'il était beau, il m'a pris par les mains, il m'a monté ce cheval, et il m'a enlevé. Et c'est comme ça tout, tout ce que je sais, c'est ça. L'autre lui dit, tiens, moi aussi j'avais une mère riche. Moi aussi, je sais qu'au temps de Mouy, le roi, mon fils, mon frère, a été enlevé par le roi. Et je sais parce que j'avais 9 ans et j'ai vu. Mais ma mère m'a donné aussi au roi provincial, au roi local, parce qu'elle était endettée envers le roi et il ne savait pas comment enlever cette dette. Et les deux se sont regardés, se sont dit, mais du coup, nous avons la même mère. Pour vérifier, il faut aller voir la mère. Allons voir la mère à la ville de Zahariya. On va lui demander si elle est toujours là, devant l'église. Comme on l'a laissée. Il dit, mais comment on va trouver? L'autre dit, j'avais 9 ans, je me souviens. Et ils vont voir. Et ils trouvent l'église, ils trouvent la mère devant l'église. Ils disent, mais mère, femme, au début, est-ce que tu avais des enfants? Il dit, oui. Est-ce que tu te souviendras si tu les vois? Il dit, oui. Lève les yeux. Elle regarde, elle reconnaît les deux fils. Les deux fils qui se battaient pour une femme. Les deux fils qui étaient mélangés de sang entre eux. Et du coup, ils se retrouvent frères. Et c'est ça, en fait, dans les Balkans. C'est-à-dire qu'on se bat des fois sans savoir contre qui on se bat. On se bat pour le sang, on va dire, le sang pur. Mais il n'y en a pas, le sang pur. Il n'y a pas le sang, un vrai, le sang albanais, le sang serbe. Ça n'existe pas. Il y a eu tellement de mélanges, personne ne peut savoir. Et maintenant, on nous fait croire qu'on est albanais. Et on nous fait croire que telle frontière doit s'arrêter là. Et on nous fait croire aussi que telle religion, tu dois pratiquer telle un tel. Et c'est pour ça que je dis que moi, je me sens à la fois albanais, serbe, turc, bosniaque. Tout ça est en moi. Et c'est de cette façon-là que j'ai pu jouer ce spectacle. Ça s'appelle La Vieille Guerre, la bataille mythique de 1389. Et c'est comme ça que je donnais vie à cet événement.